À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le Cercle sud-africain d'études du kimilsonisme et kimjongisme et l'Institut d'amitié culturelle péruvien-coréen ont présenté respectivement dans leur page internet la deuxième partie pour l'achèvement de la cause socialiste et la troisième partie pour la réunification indépendante de la patrie du rapport d'activité du comité central prononcé par le maréchal Kim Jong-un lors du 7e congrès du Parti travail de Corée.